L'ESP, programme de stabilité électronique, permet de corriger la trajectoire en cas de perte d'adhérence, réponse A, de réduire les distances de freinage, réponse B, de guider le conducteur, réponse C, de réduire le rejet de gaz polluant, réponse D.